puissance orageuse, issue du bas 33. J't'entends beaucoup parler, mais tu veux m'apprendre quoi? Trafic de H, trafic de C, trafic de queue con. J'ai rappelé ma putain de vie pour que ça te serve de leçon. La vie c'est traite comme un push-up, on s'est compris. Et j'entends pas quand ce putain d'en chuchote. Super du sang en métaphore, c'est comme une fac de toi, insolent comme un juge. Pourtant j'ai pas fait de fac de droit. Pour tes propos, on veut t'assaisonner. Y'a que dans mon hall que j'entends ma conscience résonner. Adolescence faite de dégâts. Moi j'ai pas fait d'études pour qu'un fils de pute m'apprenne ce que je sais déjà. Trop intelligent pour écouter un semblant de maître me raconter que soit t'es riche, soit tu fais semblant de l'être. Un loup parmi les rats. Hier j'ai vu ma mère sourire, alors je l'ai photographié parce que c'est rare. Putain c'est grave non? Et tout ça me saoule de me dire qu'à sa mort mon souvenir d'elle sera sur un Samsung. Tant pas si tu connais pas les risques. Parce qu'être honnête c'est qu'une putain de blague inventée par les riches. Est-ce que les états veulent? C'est qu'à chaque fois qu'on invite un rappeur à la télévision, c'est pour se foutre de sa gueule. Pour que tu comprennes, faut que je te répète ou quoi? Si t'es riche tu crées des lois, si t'es pauvre tu les respectes. Le droit de vote assemble en direction pour élire un mec qui fait le touriste dans ton quartier que pour les élections. Et moi je titube quand ça part d'indépendance des femmes, pendant que sur Instagram pour quelques likes ça se prostitue. Et voilà l'hémorragie. Au fond c'est trop marrant venant de gouvernements qui font la guerre pour la démocratie. On parlait de justice hier. Pourquoi y'a que les mauvaises actions qui sont notées sur le casier judiciaire? À la naissance, innocent présumé. Trafic de stup, possession d'armes, voilà à quoi l'état m'a résumé. Alors fais même pas de vagues. Toute ta vie écrite sur Microsoft par un keuf qui a même pas le bac. Je respecte les forces de l'ordre, mais de quel ordre il parle? Qu'il s'étonne plus saigner à force de mort. Et si je dis faux alors faut m'arrêter. J'ai l'impression que la liberté d'expression c'est dans la variété. Téton pour Emmaüs, mais je vais rester poli. Car je suis un danger pour les autres d'après le préfet de police. Putain quelle indécence, ironique venant d'un mec qui pense au SDF. Que le 24 décembre, illusoire tout comme un pont. L'être humain est limité, donc si tu veux percer faut rapper comme un con. Et si le monde change pas, faut pas s'étonner. Des bourgeois qui lisent des bourgeois, putain faut pas déconner. Enfin bref, y'a pas de débat, continuez à regarder les infos d'une presse libre contrôlée par l'État. Et tout ceci commence à me déranger quand je vois des guerres pour du pétrole, mais sur zone interdite, passez-nous les dangers. Enfin bref, rien de faire d'écrire des strophes. Le public pardonne tout sauf le génie, demande aux philosophes.